Je m'appelle Brigitte Reds et je suis médium. J'ai découvert cette médiumnité très rapidement après le décès de mon fils en 2003, en fin d'année 2003, puisque Mathieu donc est décédé le 10 novembre de cette année-là. Et ayant une petite entreprise à l'époque, on parlait beaucoup avec les salariés de ce qui se passait. Et moi, j'expliquais que je voyais beaucoup de choses. Je voyais dans le ciel, je voyais sur les murs et je disais, j'étais convaincue que c'était lui. Je voyais des plantes bouger par exemple et je disais, je suis sûre que c'est lui qui me fait signe. Et un de mes employés m'a dit que non seulement il pouvait se manifester de cette façon-là, mais également il pouvait écrire et qu'il avait déjà écrit à sa maman qui pratique ce qu'on appelle l'écriture automatique. Donc j'ai appelé cette dame. Et on a convenu d'un rendez-vous, et ce rendez-vous était juste exactement un mois après le départ de Mathieu. Et cette dame m'a dit, voilà, vos mains vont se lever, vous allez sentir votre main s'alourdir. Et elle a eu un geste, ce geste-là, vers mes mains, mais sans me toucher. Et effectivement, ma main s'est levée, le crayon s'est reposé, et j'ai commencé à écrire. Alors au départ, c'était très étrange parce que j'avais en même temps une joie folle. C'était immense le bonheur parce que j'étais sûre que c'était lui qui était là. Et en même temps, j'étais agent immobilier, donc il y avait une part très cartésienne, très, très ferme en moi qui bloquait et qui se disait « Mais Brigitte, il y a quelque chose qui ne va pas, elle te manipule, c'est psychologique, c'est de l'influence, c'est de l'hypnose. » Enfin, vous voyez, il y a les deux exactement en même temps qui se passaient dans ma tête. Et puis malgré tout, je constatais que dans ce que j'écrivais, il n'y avait pas seulement des mots d'amour, il n'y avait pas seulement des mots d'encouragement, il y avait autre chose qui me prouvait que c'était lui, enfin qui me convainquait que c'était lui. Puis le temps a passé, j'ai continué à recevoir des messages. J'ai commencé à avoir des preuves que tout ça était bien réel, que ce n'était pas mon imagination, ni quelque chose qui me faisait... Enfin, ce n'était pas psychologique pour tenir le coup. Parce que je vivais des choses qu'il m'avait annoncées dans des messages et je les voyais se produire. Alors, il y en a plusieurs exemples dans mon premier livre, hein, dans « Au revoir ma petite maman », mais l'exemple le plus fort qui a été pour moi... c'est qu'il me répétait assez régulièrement « Je dis, papy, tu pleures ». Et mon père vivait dans les Ardennes, alors que moi, je suis dans l'Aisne. Et tous les jeudis, j'appelais régulièrement ma sœur où vivait papa. Et tous les jeudis soirs, on se mettait en colère en disant « Mais non, il faut qu'on arrête, c'est pas vrai ce que Mathieu nous raconte. On est jeudi, papa est toujours là ». Sauf que mon père est mort le 22 juillet 2004, mais le matin, et c'est bien un jeudi. Donc j'ai reçu comme ça des preuves, là je peux parler de preuves vraiment fortes. Par rapport à ce qui s'est passé physiquement, je voudrais parler du suicide, puisque Mathieu s'est suicidé. Et en fait, il se trouve que Mathieu, après son geste, a été dans le coma pendant plusieurs jours. Or, à un moment donné, le 10 novembre dans l'après-midi, compte tenu de ce que les médecins, les chirurgiens m'expliquaient par rapport à ce qui se passait pour Mathieu, j'ai demandé, moi, qu'on aide Mathieu à partir. Et les chirurgiens me l'ont refusé. Et à ce moment-là, je me suis trouvée seule pendant quelques minutes, seule avec Mathieu et une infirmière, à qui j'ai demandé comment je saurais que c'était fini. Elle m'a dit, vous verrez, les machines feront un bruit très différent, donc vous comprendrez. Mais par contre, nous, le corps médical, on ne comprend pas pourquoi Mathieu est encore là. Il ne devrait plus être là. Mais en fait, on a déjà vu ça, que le patient, et le mot patient veut vraiment bien dire ce qu'il veut dire, le patient, c'est comme s'il attendait quelqu'un qui n'est pas encore venu lui dire au revoir. Et quand cette personne est là, le patient s'en va. Et je me suis retournée vers Mathieu, et je vous assure que c'est comme ça que ça s'est passé. Et je lui ai dit, Mathieu, toi, si tu attends quelqu'un, n'attends pas, parce que tout le monde est venu. Si tu attends ton grand-père, lui aussi est malade, hein, j'ai évoqué mon père tout à l'heure, si tu attends ton grand-père, il est malade, il ne pourra pas venir te voir. Et à la seconde même, j'ai été interrompue parce que les machines ont fait un drôle de bruit. Et l'infirmière m'a dit, c'est fini. Donc j'ai cette chance, et je pèse mes mots quand je le dis maintenant, parce que je pourrais évidemment choquer toutes les personnes qui accompagnent quelqu'un qui est en fin de vie, je pourrais choquer des parents qui ont perdu un enfant, mais je leur dis non, gardez l'espoir parce que votre enfant, c'est simplement un passage. Et surtout, si vous accompagnez quelqu'un qui est dans le coma, qui est en fin de vie, comme on dit pudiquement, surtout, parlez à cette personne, dites-lui que vous l'aimez et dites-lui qu'elle peut poursuivre sa vie, qu'elle peut continuer son chemin. C'est très, très important. Je suis en train d'écrire un troisième livre et je pense que dans le titre, quelque part, le mot « au-delà » sera remplacé par le « à côté ». Parce qu'ils sont là, à côté de nous, à côté de nous. Alors, ça peut faire peur à certaines personnes parce qu'il y a des personnes qui voient certaines choses qui sont quelquefois effrayantes pour elles. Mais il est à côté de nous. Ce monde est là, avec nous. Simplement, il n'est plus incarné. C'est tout. Il a été dans le coma pendant quelques jours et il m'a expliqué qu'il avait fini. D'une part, il voyait ce corps qui était là sur ce lit d'hôpital et il ne savait pas qui était ce jeune homme. Hein. Effectivement ne ressemblait pas au Mathieu que j'avais connu, compte tenu de ce qui s'était passé. Mais donc, lui voyait ce corps. Elle me voyait pleurer à côté de ce corps et il ne comprenait pas qu'est-ce que je faisais là et qu'est-ce que toutes ses amies et la famille faisaient à côté de ce jeune homme. Et puis, de temps en temps, on sortait, puisque ça a duré plusieurs jours, donc on sortait pour aller manger un morceau, prendre l'air, fumer, enfin. Et il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas nous suivre. Pendant un certain temps, il était comme maintenu à ce corps. Et c'est là qu'il a compris. Et en fait, le moment où il a vraiment compris que c'était, qu'il était dans un autre monde, c'est au moment où moi, j'ai fait faire une incinération pour Mathieu. Et le moment où il a pu nous faire un vrai premier signe, c'est au moment où les cendres ont été déposées sur le sol. C'est à ce moment-là, puisqu'on était le 13 novembre, le jour de ses obsèques, il faisait un temps épouvantable, c'était tôt le matin, il y avait beaucoup de brouillard, et on a eu un rayon de soleil juste au moment où les cendres sont arrivées sur le sol, et il y a eu un grand, grand chant d'oiseaux, au point qu'on s'est tous regardés en se demandant ce qui se passait. Et lui, après, m'a expliqué que c'était la première fois qu'il arrivait à communiquer avec nous. Et donc, pour lui, il a aussi été accueilli par ma mère. Ma mère était déjà décédée. Donc, c'est parce qu'en fait, dès qu'il est arrivé dans cet autre monde, il a apparemment su tout de suite quelle était sa mission, là où il était. En tout cas, il n'y a pas de notion de délai entre le moment où il est parti et le moment où il a démarré cette mission. Je n'ai pas de notion de délai. Je ne le vois pas dans les rêves, ou en tout cas très, très, très rarement. Par contre, j'ai la certitude absolue de l'avoir vraiment vu une fois. Mais c'était très, très peu de temps après son décès. Et ça, je suis sûre que c'est lui. Mais j'ai été tellement étonnée parce que c'était la nuit. Je me suis réveillée et je me suis assise brutalement dans mon lit. Et il était un peu plus loin dans le passage qui menait à ma chambre. Et il était là, debout. Ah, non, pas du tout. Je l'ai vu vraiment comme je vous vois là devant moi. Vraiment, pas du tout. Non, pas du tout le fantôme qu'on pourrait le décrire. Non, il était exactement. Et je l'ai vu, je sais que je l'ai vu. Ce n'est qu'après que j'ai compris que je l'avais vraiment vu, qu'il était là, qu'il avait pu m'apparaître de cette façon-là. Je ne m'attendais pas du tout à pouvoir le voir vraiment. Et en fait, j'ai été tellement surprise que j'ai été brutale, certainement, enfin, j'ai eu un geste brutal qui a dû lui faire peur, parce que j'ai eu peur. Et depuis, je ne l'ai jamais revu aussi précisément que ça. C'est exactement comme quand je pratique une consultation, je sais que je dois dire telle ou telle chose, je sais que je dois décrire tel objet, je sais que je dois... Pourquoi je ne sais pas, mais je sais, ça se manifeste et je dois le décrire de cette façon-là. Je ne sais pas si ça m'apporterait beaucoup plus, en fait, de le voir. Ça serait peut-être plus douloureux, hein, si je le voyais. Ce serait peut-être plus difficile, parce que, si vous voulez, ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est que tout ce que je vis, là, c'est magnifique pour moi. Mais il n'est pas là, quand même. Hein. Il n'est pas là. Ça, si vous voulez, ça m'a aidé à vivre, évidemment, à avancer. C'est magnifique quand je transmets des messages. C'est extraordinaire. Quand j'ai des témoignages maintenant, parce que je commence à avoir un peu de recul par rapport à cette pratique de la transmission de messages. Donc, quand j'ai du retour de personnes qui me disent « Vous nous aviez dit ça, ça s'est produit, vous nous aviez dit ça, etc. » Donc, c'est magnifique pour moi, puisqu'à chaque fois, j'ai cette confirmation qu'il est vivant, qu'on se retrouvera un jour, etc. C'est magnifique. Mais il y a tous les aspects physiques et tout ce qui va avec. Il y a une phrase magnifique, mais là encore, je voudrais pas avoir l'air de parler de religion. Bernadette Soubirous, quand elle est passée devant ses juges, hein, puisqu'on doutait hein, des visions qu'elle avait eues, des apparitions qu'elle avait eues, Bernadette a dit à ses juges, « Je suis chargée de vous le dire, je ne suis pas chargée de vous convaincre. » Et voilà, cette phrase est vraiment juste, et c'est ce que je fais. Moi, je dis... Les gens croient, ils croient, ils ne veulent pas croire. Je ne vais pas chercher à les convaincre. Hein. Voilà, c'est comme ça. Hein. Parce qu'on est aussi, nous, ici, chacun notre chemin. C'est pas facile parce que souvent, il y a une sorte de résistance dont on ne sait pas toujours l'origine. Elle dépend des individus. Une sorte de résistance intérieure qui font qu'ils n'ont pas envie d'y croire. Ça leur fait peur. On dit souvent, il y a la vieille formule, il faut le voir pour le croire. Je crois que très souvent, la formule inverse est encore plus vraie. Il faut le croire pour le voir. Pour moi, ça me semble très naturel. Les gens disent, vous entendrez peut-être d'autres médiums dire il faut se protéger, il faut... Bon, c'est vrai que moi, j'ai mon petit protocole personnel pour... interpeller là-haut, demander qu'ils viennent nous écrire. Et puis j'écris, tout simplement. Il se passe que je donne ce que j'appelle des repères, non pas des preuves, mais des repères, la plupart du temps, qui sont des prénoms qui concernent la personne ou la personne décédée ou la personne qui est en consultation. Mais moi, j'écris. Et j'écris en règle générale sans regarder ce que j'écris. Ma main écrit. Elle écrit. Et moi, je suis capable en même temps, la plupart du temps, de parler avec la personne. J'ai tout à l'heure quelqu'un qui m'a dit « Il faudrait qu'on te filme quand tu fais des conférences médiumniques » puisque ça m'arrive aussi de faire des conférences et de transmettre les messages verbalement. Et cette personne m'a dit « Quand tu écris, et on me le dit aussi quand j'écris, il semblerait que je ne sois pas là. » Alors que moi, j'ai le sentiment d'être vraiment là. Mais les gens me disent, il faudrait que vous voyez vos yeux, que vous voyez comment ça se passe, parce que nous, on a l'impression que vous n'êtes pas la même personne. Mais moi, je ne le sens pas. Je peux expliquer, autour de vous, il y a telle et telle personne. Quelquefois, je donne des descriptions. Je peux expliquer, par exemple, quelquefois, l'écriture va être toute petite, toute fine, toute douce, parce que quelquefois on a affaire à un enfant qui est décédé. Quelquefois on a une force phénoménale dans le bras. Et puis il y a aussi, par exemple, quand on a affaire à quelqu'un qui a fait une crise cardiaque. Je vais être alertée, par exemple, je vais avoir le cœur qui va se mettre à battre vraiment très vite, très fort, c'est possible. J'ai eu un cas assez exceptionnel où je devais avertir une maman que sa fille allait subir des violences physiques très fortes. Et là, je m'étais recroquevillée et je lui ai dit « mais j'ai mal partout, je suis en train de prendre des coups, j'ai mal partout ». Mais ça se passe, heureusement pour moi, ça passe vite. Hein. Mais oui, je ressens pour une grossesse ou un cancer avec chimiothérapie, par exemple, c'est pas rare que j'éprouve des nausées. Et là, je ne sais pas toujours si c'est une grossesse qu'il faut annoncer ou si c'était un cancer. Donc, la personne, elle, en face, sait de quoi il s'agit. Hein. Ou un AVC, j'ai mal à la tête, par exemple, très très fort, violemment. Mais c'est bref, c'est très bref. Dès que j'ai commencé à en parler, ils m'ont tous mis en garde sur le risque de devenir folle. C'était clair, je risquais de devenir folle. Et ils me disaient d'arrêter d'écrire. J'ai essayé, hein, les premières semaines, j'ai essayé. Mais quand j'écrivais pas, j'allais pas bien, quoi. J'avais pas de nouvelles de mon gamin, j'avais pas de nouvelles de Mathieu, et c'était insupportable. Donc j'ai arrêté de leur en parler. Jusqu'à la veille de la parution du livre, puisqu'il s'est passé un événement particulier qui fait que j'ai décidé vraiment d'écrire le livre et d'en témoigner plus largement. Mais mes proches me voyaient aller bien et se disaient « elle est courageuse, elle assume » et ils ignoraient tous que je continuais à écrire presque tous les jours. Là, c'était donc son amie Christelle. Elle habitait là où Mathieu avait eu son accident avec le train. Et donc, cette amie avait déménagé entre la date du 10 novembre 2003 et le moment où je la rencontre. Elle avait déménagé. Donc, j'ignorais tout à fait où elle habitait, etc. Et donc, je reçois un message, enfin, je transmets à Christelle un message. Et il y a une histoire de petites fleurs. Il lui parle d'une fleur jaune qu'elle va trouver sur son lit. Et elle me dit, Brigitte, c'est impossible, je ne peux pas trouver une fleur sur mon lit. Je vis seule, je sais que chez moi, je n'ai pas de fleurs jaunes, je fais mon ménage, enfin, il n'y a pas de fleurs. Et en plus de ça, je vis au troisième étage. Donc, je suis partie pour plusieurs jours pour venir te voir. Enfin, mes fenêtres sont fermées, il ne peut pas y avoir une fleur qui arrive comme ça sur mon lit par hasard, par un coup de vent, etc. Et en fait, quand elle est rentrée chez elle, elle m'a appelée pour me confirmer qu'elle avait trouvé sur son lit. Alors c'est une petite fleur séchée, elle n'était pas jaune, mais c'était une petite feuille séchée. Mais entre le moment où elle m'a quittée et rentrée chez elle, elle avait quelques heures de route, j'avais repris moi mon crayon pour moi. Et Mathieu m'avait dit, « Maman, toi aussi, tu vas voir la même fleur. Demain matin, tu vas voir la même fleur. » Et il me situe, et je peux vous montrer le meuble en question. J'ai retiré depuis la serviette qui était au fond du tiroir. Mais il me dit, « Il y a le même dessin sur ta serviette. Tu verras, vas-y. » J'ai ouvert le meuble, j'ai vidé tout dans le premier tiroir et je me fâchais après Mathieu. Je me suis dit, « Mais c'est impossible. » J'ai ouvert le deuxième tiroir, j'ai tout vidé en étant en colère. Mais vraiment, hein, quand je vous dis colère, c'était colère. Et en fait, au fond du tiroir, j'avais posé, parce que c'est un meuble en rotin, vous savez, en jonc de mer, donc pour protéger les choses que je mettais dedans, j'avais plié dedans une serviette de toilette, une serviette éponge. Et sur le bord de la serviette, il y a une frise avec des petites feuilles un peu jaunes, vertes. Bon voilà, des choses comme ça, j'ai vécu ce genre de choses, et même des fois peut-être des choses encore plus précises que ça, mais bon. J'ai vécu des choses fortes comme ça, quoi. Et progressivement, c'est ces choses-là qui m'ont fait lâcher prise, finalement, et accepter qu'il y a bien des messages qui nous parviennent de l'au-delà. De temps en temps, je transmets des messages qui, visiblement, viennent de très haut, mais je n'ai pas d'informations particulières sur la hiérarchie, sur ce que ma mission doit changer, mais il est vrai que, je vous ai dit, ces forces sont là de plus en plus fortes, il est vrai que, et notamment quand j'ai affaire à quelqu'un pour qui ce canal de médiumnité s'ouvre vraiment, n'est pas rare que là, au lieu d'avoir un message d'un défunt de la famille ou un ami ou un conjoint, il n'est pas rare qu'on voit que c'est un message qui vient de beaucoup plus haut. Ça m'est arrivé, oui, et je me suis dit, oh là, Brigitte, qu'est-ce qui se passe? Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui de pouvoir transmettre des messages qui viennent de si haut que ça? Donc oui, ça arrive. Et puis, très souvent, il y a à la fois l'énergie qui est plus forte, mais aussi en même temps une sorte de sérénité, de plénitude qui est beaucoup plus forte. Vous voyez, je vais utiliser le mot amour, voilà. Mais il se passe quelque chose, on baigne dans quelque chose qui est différent quand même, oui. Pendant très longtemps, j'ai pensé qu'il était toujours là. Et il l'a sans doute été, effectivement, pendant très longtemps. Un peu comme s'il était, comme si c'était lui qui devait un peu me surveiller, entre guillemets, ou m'aider à avancer dans ce domaine-là. Mais maintenant, il n'est plus là. Les défunts communiquent directement avec la personne qui est en consultation. Mais de temps en temps, il passe. temps en temps, il met son grain de sel dans la conversation. Je ne sais pas toujours pourquoi, mais de temps en temps, il vient en même temps. Et il me dit des choses, enfin voilà. De la même façon, les décédés que je ne connais pas, de temps en temps, me parlent à moi, directement. Et d'ailleurs, un jour, Mathieu m'avait écrit, puisque je vous ai dit tout à l'heure hein, qu'au début, j'avais une sorte de jalousie quand d'autres médiums me parlaient de Mathieu, et il m'avait dit, mais enfin maman, tu fais bien toi de nouveaux amis dans ta vie, et pourquoi moi je n'en ferai pas? Bon, ben oui, effectivement, pourquoi il n'aurait pas de nouveaux amis, quoi hein? Dans les premiers temps, quand quelqu'un me contactait en me disant « Écoutez, on ne se connaît pas, mais je dois vous dire que j'ai eu un message de votre fils », en fait, je réagissais en maman très possessive et très jalouse. Et je ne comprenais pas et je ne l'acceptais difficilement, vraiment difficilement, en essayant, moi, de faire dire à la personne, mais vous avez quelle preuve que c'est bien mon fils? C'est curieux, hein? C'est pour ça que je comprends bien quand il y a des personnes sceptiques, par exemple, et c'est pour ça, je crois, que j'ai ces repères, ces fameux repères à donner en même temps que mes consultations. Parce que c'est logique quand on reçoit juste quelqu'un qui vous appelle et qui vous dit, voilà, Mathieu m'a contacté, il doit vous dire bonjour. J'étais assez souvent réticente. Et puis, il y a eu une médium qui m'a contacté un jour en me disant, Mathieu me demande de vous dire de regarder une photo qui est devant vous, une photo où vous êtes dans l'eau. Cette photo, je l'ai là, sous mes yeux. Il veut que vous regardiez cette photo. Il est là, dans cette photo. Je lui dis, mais moi, je n'ai pas de photo de moi où je suis prise en photo dans l'eau. Je lui dis, non. Elle me dit, si, vous l'avez devant vous. On raccroche le téléphone et je restais sceptique et je lève les yeux. Et cette photo était accrochée au mur devant moi. Et vous voyez, elle était là devant moi et je n'y pensais pas. Et j'ai regardé la photo. Et en fait, dans cette photo, j'ai vu un superbe visage. Et pour moi, à l'évidence, c'est Mathieu. Il avait fait passer ce message-là. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un me dit, Mathieu me demande de vous dire ceci ou cela, je le prends, je l'accepte volontiers. J'entends beaucoup de médiums qui disent on ne doit pas communiquer avec les suicidés. Ils seraient comme condamnés de l'autre côté. Donc moi, vraiment, je dis non. Mon fils avait ses raisons ici, on peut les expliquer, mais de toute façon, c'était son chemin de vie et il devait partir à cet instant-là. Et il m'a bien expliqué que ici, nous, on met des mots. On va dire suicide, on va dire maladie, on va dire accident. Mais en fait, c'est un mot. Simplement, il faut passer de l'autre côté. Dans le tout premier message que j'avais reçu, Mathieu me disait quelque chose de très important. C'est que là où il est, il accueille les enfants qui n'ont jamais vu leur maman. Alors c'est très important parce que d'ailleurs, c'est curieux, on enregistre ça juste à la veille du dimanche de la fête des grands-mères, et ça, je trouve ça assez marrant comme clin d'œil. En fait, le dimanche de la fête des grands-mères qui a suivi, ça a été très dur pour moi, parce que j'ai pris conscience là que je ne serai jamais grand-mère, puisque lui n'avait été parti sans me laisser de petit. Et là, j'ai écrit sous sa dictée, j'ai reçu un message où il me disait « Tu en auras, maman, des petits-enfants ». Tu vas aller en Afrique, tu y rencontreras ta vraie famille et tu auras des enfants. Il y en a qui sont nés, mais et puis des points de suspension. Alors je suis très fière de lui, vraiment très fière, parce que bah, accueillir les enfants qui n'ont jamais vu leur maman, c'est une très très très belle mission. Et lui, il n'avait pas eu de frères et sœurs ici, donc ça lui va, à mon avis, superbement bien. Si aujourd'hui il est monté plus haut et qu'il est en train d'évoluer, ben je ne peux être que très très heureuse pour lui, hein. Très heureuse et très fière de lui, mais je n'ai pas beaucoup de détails. Mais en tout cas, cette mission par rapport aux enfants, oui, je trouve ça extraordinaire pour lui, vraiment extraordinaire. Et d'autant plus extraordinaire qu'il y a eu un lien avec ma propre histoire ensuite en Afrique. Et là, si on cherche des preuves, pour moi, c'est la plus belle des preuves que je pouvais avoir du fait que, on peut communiquer avec l'au-delà, la vie continue et ils peuvent nous envoyer des messages. autant qu'on veut, ce n'est peut-être pas le mot juste, parce qu'il faut aussi les laisser tranquilles, à mon avis. Hein. Mais enfin, voilà, ils peuvent communiquer avec nous. Je dis souvent en souriant que le lien que j'ai avec Mathieu, mais c'est exactement comme si je prenais un téléphone et que je l'appelle ou que lui m'appelle pour se donner des nouvelles. C'est vraiment exactement ça. Je pense qu'on peut tous communiquer, je le crois. Mais à des nuances, si vous voulez, avec des nuances. D'une part, il y a le fait, comme j'ai parlé de lâcher prise tout à l'heure. Eh bien, quand je pense que plus la personne a du lâcher prise, plus la réception peut être bonne. C'est ce que j'appelle l'amour inconditionnel. Je t'aime sans la condition que tu sois près de moi. Je t'aime sans la condition que tu fasses ce que j'avais voulu que tu fasses. C'est exactement comme dans la vie, hein, quand on demande à des parents « Qu'est-ce que vous voulez que votre petit fasse, votre petit garçon, quand il aura 20 ans, vous voulez quel métier pour lui ?» Puis là, les parents disent « Moi, je veux qu'il soit comme moi, notaire, avocat, médecin. » C'est exactement ça, aimer sans condition. Il y a plusieurs formes possibles de médiumnité et de contact possibles. Pour moi, ça se passe par l'écriture ou par des choses que je vois ou que j'entends, mais il y a ce qu'on appelle la TCI, par exemple. Et puis, il y a d'autres formes encore. Il y a beaucoup de gens qui vont soigner, par exemple. Il y a beaucoup de magnétiseurs. Eh bien, leur médiumnité, à mon sens, hein, je ne dis pas que j'ai la vérité absolue, mais à mon sens, c'est une autre forme de médiumnité. C'est-à-dire que l'au-delà, les forces qui sont de l'autre côté, demandent aux magnétiseurs, aux guérisseurs, d'accomplir une mission de soin. Et donc la personne va soigner par les énergies. Vous voyez, c'est une autre forme de contact avec l'au-delà. Ça n'est pas rare qu'un infirmier, un médecin, il ait choisi dans... au niveau terrestre, cette profession, et puis qu'un jour, il se passe un bug dans sa profession, dans son boulot, il y a un accident quelconque, etc. Il se remet en question, il se remet en cause, et là, il choisit une autre voie, une autre forme de soin, une autre façon de soigner les gens, ou tout d'un coup, il décide de partir en mission en Inde, en Afrique, quelque part, il se sent appelé par autre chose. C'est une autre forme. Parce que si vous voulez, j'ai acquis la conviction depuis cette dizaine d'années et de temps en temps, je reçois vraiment des messages précis dans ce sens-là où toutes ces forces d'amour qui sont de l'autre côté s'approchent de plus en plus de nous, sont de plus en plus visibles, de plus en plus captables. Je ne sais pas si le mot captable existe et juste. Enfin, captives peut-être, c'est peut-être mieux. Enfin bref, elles sont de plus en plus proches de nous, elles viennent de plus en plus près, elles se manifestent de plus en plus. On voit de plus en plus de médiums, alors des médiums qui en font leur profession ou pour lesquels c'est momentané ou ça reste privé, etc. On en a de plus en plus de témoignages de cet ordre-là. Cette ouverture se fait non pas de la volonté terrestre, mais par la volonté des décédés, justement, des forces d'amour qui sont de l'autre côté. C'est cette volonté-là, elles sont de plus en plus voilà, autour de nous, enfin, ils l'ont toujours été, mais il y a de plus en plus de monde qui peut les recevoir, les ressentir et communiquer avec elles, pardon. Je n'ai jamais été inquisitrice dans la vie de Mathieu quand il était ici. Je ne le suis pas plus aujourd'hui. Donc, je le laisse me donner des informations quand il le souhaite. Il y a eu cette première étape où il accueillait les enfants qui n'ont jamais vu leur maman. Et il semblerait, il y a eu une étape où il a fait comme des études. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de contact direct possible entre lui et moi. Il m'avait dit qu'il lisait des grands livres, des livres de loi. Et aujourd'hui, il me dit qu'il est plus haut. Mais je ne sais pas exactement ce qu'il fait. Voilà, je n'ai pas plus de détails que ça. Et je n'en cherche pas. Je le laisse me parler exactement comme on a toujours fait ensemble. Mathieu avait eu une expression où il disait « Toi, maman, petite fille à la maternelle, tu voudrais déjà savoir ce qu'on apprend quand on est en fac. » Parce qu'il a beaucoup d'humour et de gentillesse avec moi, bien sûr, manquerait plus que ça. Mais voilà, il m'avait dit « Maman, toi aujourd'hui, tu es autorisée à savoir ça, moi je suis autorisée à te dire ça, et si plus tard les choses évoluent, on verra. » Il y a eu plein de choses qui se sont passées, plein de choses. Mais il y avait, je dirais, deux fils conducteurs. Il y avait d'une part cette demande absolue que je devais témoigner, que je dois témoigner, que la vie continue et qu'on peut communiquer ensemble. Ça a été récurrent dans tous les messages. Et il y avait un autre message qui me surprenait également beaucoup, puisque ça ne semblait pas correspondre ni à ma vie, ni à celle de Mathieu avant, c'était que je devais agir pour l'eau potable en Afrique. Ça, c'était vraiment des messages réguliers. Dans ma vie, tout s'enchaîne. Les pièces s'assemblent d'elles-mêmes. Et même quelquefois, je me dis que là-haut, on doit pester contre moi, parce que moi, je suis impatiente. Et par exemple, pour cette mission pour l'Afrique, et même pour le livre, parce que ça a démarré en même temps, en 2005, jusque-là, moi, je n'avais rien fait, je ne bougeais pas. Et puis, s'est passé un événement particulier, et là, la date, par contre, je ne l'oublierai pas, c'est le 21 novembre 2005, il s'est passé quelque chose de particulier qui m'a menée quelques jours après, devant un éditeur, alors que le livre n'était pas écrit. Et pour cet éditeur, j'avais un message très personnel à lui transmettre, alors que je n'avais jamais entendu parler de cet homme-là. Mais lui, quand il a reçu mon message, il a dit « Je veux voir cette dame et je veux savoir comment elle sait ça ». Et pour l'Afrique, ça s'est passé de la même façon. Les choses se sont enchaînées. Une personne qui a entendu parler d'une de mes conférences, qui m'a contactée, elle partait au Cameroun, elle m'a emmenée là-bas, j'ai rencontré quelqu'un qui... Et tout s'enchaîne. Alors voilà, les personnes cartésiennes me disent que je suis à l'écoute, que je regarde, que je... Non, les gens sont mis devant moi... Voilà, les rencontres se font. Le jour où j'ai posté le manuscrit pour l'éditeur, c'était le 20 décembre 2005. Donc vous voyez, 21 novembre, je suis seulement mise en rapport avec lui. Le livre n'est pas écrit le 21 décembre 2005. Le livre, je l'envoyais à l'éditeur. Et ce jour-là, je prenais la route pour aller à Toulouse, chez la fille d'une de mes amies. Et je n'avais encore jamais eu de contact avec le Cameroun ou avec des Camerounais. Jamais. Et donc, je suis sur la route, j'ai 5, 6 heures de route, 7 heures peut-être, pour aller à Toulouse. Et je me pose des questions, comment je vais faire maintenant? Comment je vais avancer pour cette mission vers le Cameroun? Et cette jeune fille, Émilie, me téléphone, me demandant si je suis sur la route, si tout va bien. Et elle me dit, Brigitte, écoute, je voulais te dire que pour le réveillon de Noël, il y aura d'autres personnes à notre table. Elle me dit, je voulais juste te prévenir parce que ce sont des sans-papiers. Elle a l'âge, cette jeune fille, exactement de Mathieu, à quelques mois près. Je dis, Émilie, tu reçois des sans-papiers à ta table le jour de Noël, mais moi, je trouve ça extraordinaire, quoi. Mais t'as même pas besoin de me prévenir. Elle dit, si, parce que comme je te connais très peu, je voulais juste te demander, c'est un peu délicat, mais tu n'es pas raciste au moins, parce que ce sont des Camerounais. Et j'étais là, en train de me demander comment j'allais avancer vers le Cameroun. Et voilà, la pièce du puzzle s'est arrivée toute seule. Toute seule, et tout s'enchaîne comme ça. Dans le cadre de l'association, donc, ce qui m'est demandé au départ par Mathieu, c'est d'agir pour l'eau potable. J'ai beaucoup de mal à avancer sur ce point précis. Et pourtant, il y a eu des pistes, il y a eu des choses, mais c'est très difficile, parce qu'il faut comprendre que jusqu'à aujourd'hui, je suis pratiquement seule dans l'association. Je vous ai expliqué tout à l'heure que mes amis, mes proches, je ne leur avais plus parlé de ce qui se passait pour l'écriture automatique. Et quand je les ai informés que je créais une association, ils m'ont tous dit « on se met avec toi dans cette association parce que juridiquement c'est obligatoire ». Mais c'était surtout pour me protéger, ils avaient très peur que je tombe dans une secte en fait. Hein. Ils considérait que j'étais sûrement encore très fragile, mais en fait, j'agis seule pour cette association. Donc, pour le moment, depuis que j'y suis allée, quand je suis allée là-bas, j'ai créé un atelier de formation en couture pour les jeunes filles mères, atelier qui, depuis, a périclité parce que je suis seule et qu'il n'y a pas de suivi sur place, donc c'est très difficile, mais je ne désespère pas de recommencer et d'améliorer les choses sur place. Mais par contre, là, en fin d'année 2013, j'y suis allée avec deux jeunes filles bénévoles à nouveau au Cameroun. Et là, on a été accueillis dans un orphelinat. Et c'est pour cet orphelinat que je voudrais que nos actions avancent maintenant, parce que les besoins sont énormes, énormes. C'est un pasteur et son épouse qui hébergent 18 enfants et ils n'ont rien, rien, rien, rien. Les toilettes sont là, mais simplement là. Il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, cette dame n'a rien pour cuisiner. Ils ne savent pas comment nourrir les enfants, ils ne savent pas comment habiller les enfants, leur acheter le matériel pour aller à l'école. J'aimerais pouvoir un jour leur envoyer un véhicule, un petit J7, ou enfin, un petit véhicule, un petit minibus, pour que les enfants ne fassent pas tous ces kilomètres à pied, matin et soir, pour aller à l'école. Parce qu'ils le font, ils vont à l'école. Il n'y a aucun prétexte pour manquer l'école. Enfin, ils n'ont rien. Et puis, dans ce village, donc, qui est Dibombari, à côté de Douala, il y a aussi un hôpital qui a des grands, grands besoins, notamment pour la salle d'accouchement. Enfin, voilà, c'est énorme ce qui est à faire. Donc, je voudrais concentrer mes forces sur ce village et sur à la fois l'école aussi, hein, l'école qui est dans un état épouvantable. Il n'y a pas du tout de toilettes dans l'école, pas du tout de toilettes. Pour tous les enfants, les enseignants, etc. Donc j'aimerais pouvoir, là il y a une réunion qui doit avoir lieu, je ne sais plus quand, avec des sympathisants, mais là dans quelques semaines il y a une réunion, je réunis des sympathisants pour relancer, enfin pour créer autour de moi un groupe plus solide, parce que j'ai besoin d'aide, quoi. J'ai vraiment besoin d'aide. Parce qu'on a des besoins financiers, c'est sûr, mais j'ai aussi des besoins physiques, des besoins de personnes qui peuvent m'aider ici à faire des actions ou partir là-bas aussi faire des actions sur place. Bon anniversaire! Bon anniversaire! Bon anniversaire! Bon anniversaire, Brigitte! Joyeux anniversaire! Ouais! How old are you now? As-tu maintenant?